Demande-moi pas pourquoi je reste seul le soir. Je suis solitaire, il n'y a plus d'espoir. Enfermé dans ma bulle, j'écris l'histoire. Je suis sur les nerfs, mon esprit sans solide et solitaire, rigide et solitaire. Voilà ce qui me définit. Seul dans mon coin, seul dans ma tête, seul dans mon délire. J'écris des morceaux de vie comme si je pouvais pas t'en parler en face. Mon son un exutoire, souvent je m'écarte quand les soucis s'entassent. Certains souvenirs font mal. Face à moi dans le miroir, je vois la silhouette d'un mec abîmé dans son regard. Et je m'évade dans le son, coupé du monde, j'augmente le volume. Ce soir j'ai trop bu, encore une fois je vais m'effacer dans la brume. Demande-moi pas pourquoi je reste seul le soir. Je suis solitaire, il n'y a plus d'espoir. Enfermé dans ma bulle, j'écris l'histoire. Je suis sur les nerfs, mon esprit s'enflamme. Demande-moi pas pourquoi je reste seul le soir. Je suis solitaire, il n'y a plus d'espoir. Enfermé dans ma bulle, j'écris l'histoire. Je suis sur les nerfs, mon esprit s'enflamme. Sous le poids de ma solitude, j'ai mal au dos, je me relève pas. Ma nervosité est à l'étude, je n'en dors plus, j'essaie de m'évader. La nuit seule devant le bout de papier, toujours là à juger. Mes dires et mes faits, toujours là à juger. Le pire dans mes excès, un peu trop franc, j'ai pas trop de proches. Je deviens nuisible, un peu sombre quand je suis trop sobre. Je suis pathétique, parano et quelques tics. J'aime être seul devant un Bacardi, défoncé sur la rythmique. Défoncé sur la rythmique. Demande-moi pas pourquoi je reste seul le soir. Je suis solitaire, il n'y a plus d'espoir. Enfermé dans ma bulle, j'écris l'histoire. Je suis sur les nerfs, mon esprit s'enflamme. Demande-moi pas pourquoi je reste seul le soir. Je suis solitaire, il n'y a plus d'espoir. Enfermé dans ma